2. Quand revint Laurent chez Anatolie, elle déjeunait avec la tante Pauline. Et l'on n'avait pas attendu Laurent. « Il nous rattrapera, disait la tante Pauline. » La petite Rose allait plus mal. Le docteur avait aperçu de mauvais symptômes. Une garde était auprès d'elle. Quant à la tante Pauline, elle se dépêchait, ayant combiné d'emmener à la promenade avec ses bonnes tous les autres enfants. Il fallait du silence dans la maison. Laurent tout de suite annonça. « Paulin est ici. Nous nous sommes rencontrés à la porte. Il est monté en même temps que moi. Il demande si tu peux le recevoir. »« Ah !» répondit Anatolie. « Non, je ne peux pas le recevoir. Dis-le-lui, Laurent. Tu lui diras que je suis souffrante. » Laurent, debout près de la porte, ne bougeait pas. « Faut-il dire que tu es souffrante ?»« Pourquoi ne pas dire la simple vérité ?» insinua la tante Pauline. « Nous avons une malade. C'est une excuse, malheureusement. »« Oui, c'est ça, » fit Anatolie. » Laurent sortit, et Anatolie était toute tendue à deviner l'entretien de ces deux hommes. Silas, elle n'avait pas eu le courage de voir Paulin, de le recevoir soudainement après le désastre de leur amour. Puis l'entretien des deux hommes dura, de telle sorte qu'Anatolie ne le devinait plus. Elle se leva, sortit à son tour. Dans l'antichambre, elle vit Laurent et Paulin, qui déjà ne causaient plus. Et pourquoi Paulin ne s'en allait-il pas ? Excuse-moi, Paulin, Laurent te l'a dit probablement. L'une des petites filles est malade, très malade. J'ai passé la nuit auprès d'elle avec Laurent, je t'écrirai. Mais je reviendrai. Non, non, je t'écrirai. Il n'en finissait pas de partir. Anatolie insista. Je t'écrirai, j'ai à t'écrire. Alors il s'en allait. Anatolie lui en voulut de s'en aller. Tu comprends, cette pauvre petite, je n'ai pas d'autre idée en tête. C'est affreux qu'une petite enfant soit la victime. Elle balbutiait, et elle n'alla point au bout de son injustice. Tout de même, ce n'était pas la faute de Paulin si la petite Rose mourait d'une méningite. Paulin la regardait tristement. Elle répéta « Je t'écrirai ». Paulin, depuis la veille, souffrait, et il était déconcerté. Il ne doutait pas d'avoir offensé Anatolie. Elle le lui avait montré. Lui-même, en formulant la demande, qu'il l'avait mise en fuite, savait son audace et le risque de l'audace. Il ne s'attendait pourtant pas que ce fût si étrangement décisif. Après cette déroute d'Anatolie, la veille au soir, dans la basse ville, après les mots si durs de sa colère, il était resté quelque temps plus étonné que malheureux. Plus tard, se souvenant des mots de la colère, il avait hésité à les traduire dans un langage de volonté plus réfléchi. Elle lui défendait d'annoncer leurs fiançailles, de les annoncer, ou bien d'y prétendre désormais. Elle s'était sauvée. Maintenant, elle le faisait avertir, et pour plus de certitude, elle l'avertissait elle-même de n'avoir pas à revenir. Elle lui écrirait. Une petite fille était malade. Naguère, elle l'eût appelée au chevet de la petite fille malade. Elle les conduisait. Et quelle brusquerie! Un caprice? Non pas. Un caprice la veille au soir, peut-être. Mais un caprice qui a passé la nuit. Qui a passé la nuit auprès d'une petite malade, avec ce Laurent. Oui. Avec ce singulier Laurent, qui ne tombant pas sur vous à bras raccourcis, avait l'air de vous faire une concession de politesse. Un tel caprice, partant de persévérance, tournait à l'injure méditée. Or, les injures, Paulin les subissait depuis trop de jours avec trop de rancœur. Pierre avait donné à leur polémique de candidat un caractère de férocité. Lui, Paulin, rageait de se sentir engagé dans un sport où il n'excellait pas. Les grossièretés ne le touchaient pas beaucoup. Et jeune idéologue, il les méprisait. Il ne méprisait pas la continuelle humiliation qu'était pour lui l'allure de Pierre, une allure de patron qui vous traite de haut son ouvrier. Depuis trop de jours, la vanité de Paulin pâtissait, et elle était plus avive que son cœur épris, certes épris, mais qui venait à peine de perdre sa sécurité. Ainsi, le changement d'Anatolie l'affecta dans son amour-propre, avant de l'affliger dans son amour. Il se défendait, à part lui, contre Anatolie. Sans doute il avait tort. Mais entre le tort qu'il avouait et la dureté des représailles, il apercevait trop d'écart. Bref, il ne demandait rien pour lui. Et pour la cause même, il ne demandait point un sacrifice. Le sacrifice, il l'inclinait à l'avantage de la cause. Était-ce là une infamie? L'indélicatesse ou enfin la gaillardise du procédé? Anatolie l'exagérait jusqu'à l'infamie, probablement. Anatolie, plus délicate et qui percevait des nuances que lui ne voyait pas. Anatolie, susceptible et raffinée. Lui, un ouvrier. Des rancunes s'éveillaient dans l'âme de Paulin. Comme il était tout féru de doctrine, il vérifia que la lutte des classes n'a ni relâche ni nulle exception. Jamais, et fût-ce de par les amours individuels. une d'Auberville, et fut-elle amoureuse d'un petit Paulin de rien du tout, marque sa suprématie, la qualité subtile de ses nerfs et de son éducation, n'est-ce pas? Mais eux, ces d'Auberville, Paulin tenait sous son bras le journal de Castillac, que Pierre avait choisi, et qu'il payait pour la défense de sa candidature. En pleine rue, Paulin s'arrêta et relut un filet de la première page. Le titre, oui, l'argent des d'Auberville. Oui, oui. Et Paulin retourna sur ses pas. Alors il marcha vite, comme pour l'attaque, et non pas, comme tout à l'heure, chassé, au moins prié d'attendre qu'on le rappelât. Oui, oui, l'argent des d'Auberville. Paulin sonna. Il dit à Catherine, « Voulez-vous avertir Monsieur Laurent que je désire de lui parler un instant ?»« Pas plus, mais sans retard. » Et si Laurent ne venait pas, ce serait ensuite affaire entre Laurent et lui. Laurent, puisqu'elle avait chargé Laurent de les conduire, et Laurent, aussi bien elle avait dû consulter sur la famille de Paulin. « Qu'y a-t-il ? » Fit Laurent, qui ne cachait pas son impatience. « Peu de choses, répondit Paulin. « Je m'adresse à votre complaisance et vous prie de bien vouloir remettre à Mademoiselle Anatolie ce journal. Elle m'a dit devant vous qu'elle avait à m'écrire. Il est possible que la lecture de ce filet modifie en quelque manière ses résolutions. Je me figure peut-être à tort que vous devez m'entendre à demi-mot. » Laurent prit le journal, le regarda. « C'est tout ? C'est exactement tout, répartit Paulin. » Ils furent une seconde à se dévisager. Puis ils allèrent chacun de son côté. Paulin sortit. Dans la salle à manger, Anatolie attendait Laurent. La tante Pauline était partie avec toute la marmaille bien portante. « Qu'est-ce encore ? Il te prie de lire ce filet. » Anatolie bientôt s'écria « C'est ignoble !» Elle avait lu ceci dans le journal qui soutenait la candidature de Pierre. On n'ignore pas que les misères consécutives à la grève qu'a fomenté, pour pêcher en eau trouble la confiance des électeurs, le citoyen Paulin Bouvier, misères qu'il a impitoyablement créées et prolongées, ont eu un grand allègement du fait des charités particulières. Ce n'est un secret pour personne à Cassillac que ces charités, répandues à profusion par la petite fille du regretté Romain d'Auberville, sont ainsi bel et bien l'argent des d'Auberville. Et d'autant plus que la généreuse donatrice est, pour une part très importante, commanditaire de la manufacture d'Auberville. Précisons, nous croyons savoir que les sommes distribuées aux grévistes ont été, à cette fin, prélevées sur la commandite. Et ne concluons pas. Il appartient à chacun de décider qui l'on préfère, l'intrigant qui organise la misère à son profit ou les braves gens qui, contre leur intérêt, la réparent. Savais-tu, Laurent, qu'ils avaient imprimé ça ? Je ne le savais pas hier, ni cette nuit. Je te l'aurais dit. Je l'ai appris tout à l'heure par Pierre, que j'ai rencontré. Il s'en vantait, comme d'une rouerie excellente. J'hésitais, et j'hésitais à te le dire. Elle se récria. Mais non, non, il ne fallait point hésiter. C'est tout de même l'excuse de Paulin, que veux-tu ? Il n'en doute pas. Et toi ? Certes, il eût préféré ne pas répondre. Mais elle insistait. Eh bien non, déclara-t-il tout frémissant. Ce n'est pas sans excuse. Ce filet de journal, immonde, immonde, je suis de ton avis, apparut ce matin. Paulin n'y répliquait pas hier soir, et Pierre, de son côté, n'a pas su le projet pareil de Paulin. Pierre n'a pas d'excuse, et Paulin non plus. Mais ils se valent, mon frère et Paulin. Tu as voulu savoir mon opinion, la voilà, même si tu regrettes de me l'avoir demandé. Ils se valent, oui, répétait Anatolie. Elle ne remarquait seulement pas l'impatience de Laurent, et elle était toute au dégoût de ces machinations qui se faisaient à propos d'elle. Laurent ne lui permettait pas d'excuser Paulin. Laurent jaloux, et Laurent qui machinait, lui aussi, d'écarter son rival. Que de machinations autour d'elle. Évidemment, l'infamie de Pierre ne supprimait pas l'infamie de Paulin. Tout de même, Paulin n'avait pas accompli sa faute, et, somme toute, il avait eu cette précaution de consulter Anatolie. Enfin, Paulin n'avait pas reçu, dès l'enfance, les principes qui imposaient à Pierre d'autres devoirs. Pauvre Paulin. Non, non, Laurent, tu n'es pas tout à fait juste. Peut-être. Anatolie cédait à sa fatigue. Fatigue de la nuit sans sommeil et fatigue d'émotion. Fatigue de dégoût, elle reprit. Je crois que tu n'es pas juste. Mais pour le décider, j'ai bien le temps. Il faut pourtant que tu écrives à Paulin. Elle l'écartait avec un peu d'ingratitude. Mais Laurent, je lui écrirai. Sois sans crainte.